Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais m'expliquer tantôt? Oui, mais je me souviens aussi de ce que je t'expliquais tantôt. Alors, quel des deux veux-tu réexpliquer? Il convient juste de parler. Ça permettrait probablement de revenir puis de... Je suis bien d'accord, seulement que je me souviens pas de ce qu'on vient juste de parler. C'est pas grave, ça va me permettre de dire n'importe quoi. Mais si c'est pas ça, je vais me souvenir que c'est pas ça. Oh! C'est pas correct, ça. On parlait de bateau. Ah ouais. Bon. Alors, à un moment donné, moi, je décide, avec moi-même, d'aller refaire le monde sur une île déserte. J'avais 12 ans. À 16-17 ans, je commence à réunir quelques personnes de mon âge. Une personne plus âgée, mais l'astral vient la tuer de suite. Alors, on a pris conscience qu'il ne fallait pas s'approcher des adultes parce que ça mettait leur vie en danger. À 18-19 ans, ben, étant relativement adulte, ben, là, c'était moins pire. Et puis, à un moment donné, il fallait aller sur une île déserte. On avait choisi l'île et tout ça. Et il fallait y aller avec un bateau. On avait 460 $ à peu près en banque. On était une quinzaine. Et puis, on était toute une gang de pauvres. Il y a quelques-uns qui travaillaient, mais la gestion était en pas l'apanage des gens qui se conscientisaient ou qui évoluaient. Même s'il y avait un petit peu d'entrée d'argent, il y avait des dépenses aussi grandes. Alors, on était dans une espèce de cabane sur le bord d'une rivière, une cabane qui appartenait à un bonhomme qui couchait dans le bois. C'était une espèce de zigoto. Et puis, on a pris la décision de fabriquer le bateau qui nous amènerait sur l'île déserte en Polynésie, donc dans l'océan Pacifique, parce qu'acheter un bateau, ça nous coûterait 140-145 000 à l'époque pour ce qu'on avait besoin. En faire un, probablement, qu'on pourrait économiser la moitié, donc ça nous coûterait autour de, mettons, entre 60 et 80 000. Alors, on s'est dit, c'était plus logique de faire quelque chose qui coûte 80 000 quand tu as juste 460 $ que de faire quelque chose qui vaut 140 000. Ça a de l'allure. Absolument. Bon, c'est déjà la moitié de l'économie. Tout bon japonais te dirait que ça a de l'allure. Et puis là, on a décidé qu'il fallait se trouver une usine. Alors, moi puis un de mes amis, on est allé voir son oncle, qui est Jean Besseret, qui est un acteur. Il avait une grange. Et puis, on voulait voir si on pouvait lui emprunter sa grange pour un an, pour bâtir le bateau à l'intérieur. Et finalement, ça ne fonctionnait pas parce qu'il y avait des gros trous entre les planches. Avec l'hiver, on n'aurait pas pu rien faire. Puis lui était d'accord si on isolait tout, mais ben, il a fallu qu'on mette 20 000 piastres juste en isolation. Alors, on est allé fouiller. On a pris la décision qu'on faisait un bateau. Toutes les personnes qui avaient 30 ans en montant étaient contre. Comme on était un groupe de jeunes, 90% des personnes avaient en bas de 30 ans, eux étaient tous pour. Ça veut dire que, rendu à certaines étapes de la vie, l'humain devient extraordinairement pissou. Ou sage. Bon, ou sage. Et pas parce qu'il ne veut pas souffrir plus. Il souffre autant. Mais il ne fait plus rien. Il meurt. Alors, on a vu qu'on était en majorité, à part les quelques réticents. Dans la journée même, finalement, on a pris le journal de Montréal. On a trouvé une usine à louer pas loin de la maison où je restais. Moi, je restais à Montréal-Nord. L'usine était à Saint-Léonard. On est allé voir le propriétaire. Et puis, ce qui était intéressant, c'était que le bateau qu'on voulait construire, à l'usine elle-même, il y avait une mezzanine avec une porte de garage ici. Donc, ici, il y avait un escalier sur le côté qui nous menait à la mezzanine en haut. Puis, le bateau qu'on voulait construire, bien, avait une forme comme ça. Alors, il rentrait exactement dans l'usine, au poêle près. D'ailleurs, il a fallu qu'on fasse des trous dans le plancher de mezzanine pour pouvoir faire le pont ici. C'était parfait. Mais il fallait tout défaire le mur de l'usine pour sortir le bateau à la fin. On a rencontré le propriétaire, un Italien, et puis on lui a expliqué ce qu'on voulait faire. Et puis, il a demandé quelques questions. On lui a répondu. Et finalement, on a signé un bail. C'est écrit sur le bail qu'on défaçait le mur, etc., puis qu'on rebâtissait tout après. Et puis, ça coûtait 450 $ par mois. Alors, il devait rester 10 $ après. Après le premier mois. Ah oui. Là, maintenant, on avait une usine. Et 10 $. Là, on faisait un bateau. Un an après, on avait, on sortait de là, le plus beau bateau qui a été fait par des amateurs au Canada, dans l'histoire du Canada. On a reçu énormément de visites en attendant, entre-temps, des inspecteurs, des admirateurs de tout ce que tu voudras. Le bateau lui-même, c'est un énorme bateau, à 57 pieds hors tout, il y a 15 pieds de large de pont. À l'intérieur, une personne de 6 pieds et 5 pouces marche debout, n'importe où. C'est un gros bateau. Et puis, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que à l'instant où un groupe d'individus ont pris la décision de, ben c'était le temps. Mais tant que les gens ne prenaient pas la décision de, ben c'était pas le temps. Puis ce qui est important, c'est quand les gens ont pris la décision, ils ont pris la décision de tout faire pour que ça advienne. C'est-à-dire que tous les argents de tout le monde ont été mis en commun dans un compte. Tous les avoirs de tout le monde ont été mis en commun dans un compte. Les gens qui restaient un peu partout, il y en a qui restaient à Québec, il y en a qui restaient à Valleyfield, etc., ils ont tous déménagé à Montréal. Donc, ils ont fait un peu comme certains immigrants. On est resté, on avait un 4,5, on était à un moment donné 14 dans le 4,5. Ça compte des enfants, ça, là, mais quand même. Alors, il y avait quasiment des heures pour dormir, des heures pour sortir. Il y a des gens qui dormaient dans la mezzanine de l'usine, etc. Il y en avait un cuisinier, il y avait, bon, puis à l'usine, ça travaillait 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, sur 3 chiffres. Et on a fait tout ce qu'il fallait faire. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ça n'a pas fonctionné. Il y a un gars qui, les gens ont passé le chapeau, les gens donnaient de l'argent, les gens du groupe. On avait toujours un peu d'argent, et puis l'argent arrivait tout le temps de n'importe quelle façon. Il y en a un qui gagnait 2000 à la loterie, et à un moment donné, c'est le plafond du voisin, qui a un tuyau qui a défoncé au deuxième étage. Ça a coulé dans notre usine, fait que leurs assurances ont donné quelques milliers de dollars à couvrir les dégâts. Le tournevis était rouillé, mais ça vissait autant. Fait que nous, ça nous a quasiment rien coûté, mais on a eu 5-6 000 du ciel. Puis comme ça, on a fini le bateau. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a une personne qui voulait nous donner 7 000 $ et puis c'est la seule personne à qui j'ai demandé, être sûr? Puis elle a dit oui. J'ai demandé, être sûr que tu pars? Elle m'a dit non, je ne suis pas sûr que je pars, mais je suis sûr que je vous le donne. Et cette personne-là, c'est elle qui nous a poursuivis après, prétextant que c'était un prêt, puis qu'on lui devait le double, donc 14 000. Alors finalement, on est allé en cours, on a gagné, parce qu'en cours, elle a avoué simplement que c'était pas ça. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Moi, quand je revenais de Rimouski, de l'école navale de Rimouski, j'avais été invité là par l'amiral de l'école, et puis quand je reviens à Sorel, où le bateau était accosté, il y avait un bonhomme, un huissier qui nous attendait sur le pont, et puis qui me fait des éloges sur le bateau, qui trouve ça extraordinairement beau, puis après 20 minutes, il se présente, il est huissier de la cour, puis il vient saisir le bateau. J'ai failli le pousser dans le canal de Richelieu. Et puis, en même temps, moi, j'étais aussi content de ne pas partir que j'étais content de partir. Mais tout le groupe en vol était sous le cul. Et puis, tout à l'heure, donc, je comptais un peu ça. Toi, tu m'as dit exactement, c'est ce qui arrive, c'est que les gens souffrent à travers l'expérience, sauf moi. Bon. Tout à l'heure, après ça, on parlait avec Michel. Et moi, ce que je dis, c'est que je suis d'accord avec ce que tu amènes. Puis ça, je suis... là, j'ai la grippe, je ne peux pas être en grosse colère, tu sais, il faut que je me retienne, mais je suis en tabarnak d'être d'accord. Avec l'idée qu'effectivement, l'humain a besoin de souffrir pour apprendre. Mais le gros phénomène, c'est que 100% des gens à l'époque du groupe en vol qui ont appris, c'est-à-dire que ça, finalement, le bateau n'est pas parti, on l'a donné pour payer les dettes, enfin, on l'a vendu à un gars de la mafia qui ne nous a jamais payé, etc. 100% de ces gens-là, sauf moi, n'ont, semble-t-il, foutrement rien appris. Ils sont aujourd'hui aussi pauvres qu'ils étaient à l'époque ou aussi riches qu'ils étaient à l'époque. Ils sont aussi malheureux qu'avant, pas plus. Ils ne comprennent absolument rien de ce que je compte aujourd'hui. Leur cheminement a augmenté à mon contact. Ils sont revenus à leur niveau de départ après mon contact. Ils ont souffert. Et pas plus avec moi que s'ils auraient été avec d'autres. Celui qui a perdu le plus a perdu 23 000, c'est moi. Après ça, mes meilleurs amis sont tous venus me voler chez moi prétextant que j'étais un voleur, donc que j'étais pour les voler. Je n'étais pas un voleur qui avait volé, j'étais un voleur qui était pour le faire. Fait qu'ils se sont dit, tant qu'à se faire voler, autant le voler. Alors, ils sont venus me voler. Ils ont tout volé ce que j'avais chez moi, puis ce qu'il y avait sur le bateau, ils l'ont vendu. Ils ont fait de l'argent. Et puis, ces personnes-là ont souffert. Mais ce qui arrive, c'est que La majorité des gens avaient pris la décision de faire un bateau. Alors, nous avons fait un bateau. Quand le bateau a été terminé, la majorité des gens ont été terminés. Ça, c'est un problème. Alors, les gens voulaient-ils partir pour une île déserte, refaire le monde? Oui. En réalité, non. Alors, les gens, ils voulaient partir parce que c'était impossible à réaliser. Alors, on s'est dit, il faut faire un bateau. Pour rester cohérent avec toi-même, c'est logique. Quand on a commencé à faire le bateau, au fur et à mesure que le bateau avançait, bien, l'argent rentrait. Donc, si on s'était penché comme des adultes érudits sur le phénomène avant, c'est évident qu'on n'aurait pas fait de bateau. Avec 460$, tu ne lances pas faire un bateau. Mais parce que nous, on était des jeunes ignorants, à qui le monde ouvre ses portes, bien, on a fait un bateau. Mais quand le bateau était fini, dans la réalité de l'humain, la majorité ne voulait plus partir sur une île depuis 8 mois, 1 an. Eux, ils voulaient faire un bateau maintenant. Ça y allait par là, ça amenait des outils, ça amenait, il y en a qui amenaient leur gros chien, puis à l'usine. Puis c'était phénoménal comment ça travaillait. Puis quand le bateau était fini, pour la grande majorité, ça a été le choc total, parce que là, c'était vrai qu'on pouvait partir pour aller sur une île déserte. Les gens ne voulaient pas aller sur une île déserte. Donc, la majorité ont planté, les rendus là. Ça continue à planter au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la possibilité de s'en aller. Probablement parce que les gens avaient vieilli, les gens étaient devenus un peu plus sages en attendant. Puis leur sagesse leur faisait dire que rester au Québec, là où il y avait la télévision et les sandwichs toutes faites de McDonald's, c'était peut-être préférable à une vie où tu pars coloniser le désert. Mais un an avant, alors qu'on ne pouvait pas partir, tout le monde voulait partir. Un an après, alors qu'on pouvait partir, 99% des gens ne voulaient plus partir. Et quand on a eu une saisie, on a gagné en cours, quand on a eu la saisie, les gens qui ne voulaient plus partir, quand le bateau était saisi, sont devenus des gens en tabarnak, parce que là, je leur avais compté des menteries, parce que là, on ne partait plus. Mais eux, de toute façon, ne partaient plus. Ça, c'est ce qui arrive souvent, fréquemment, chez les gens. Alors, dis-moi pas que ça va être bleu. Et ils rentrent dans la salle, c'est pas bleu. Comment c'est pas bleu? Il faut que ça chiale. Il faut que ça souffre. Il faut que ça crie. Et moi, je me suis amusé comme un bon. J'ai appris énormément. Puis ça n'a jamais été un échec. Mais j'ai jamais réussi à convaincre les autres que c'était pas un échec. Deux choses que je remarque. La première, les gens de 30 ans et plus qui n'embarquaient pas au début ont peut-être appliqué ce que le petit chemin que tu as parlé parce qu'ils n'ont pas vécu d'expérience. C'est-à-dire qu'ils sont restés avec nous. Non, mais tu as dit que ceux qui ne voulaient pas... Oui, mais ils l'ont quand même fait avec nous autres, t'es contre. On a fait un vote, par exemple, les gens de 30 ans et plus ont voté contre, mais vu que le groupe l'a fait, eux étaient dans le groupe, sont restés dans le groupe, puis ils l'ont fait. Ils ont fait le bateau pareil. Oui. Mais moi, je pensais que tu avais mentionné tantôt qu'il y en avait qui n'ont pas participé, qui étaient pissous. Même les deux, trois, trente ans et plus ont participé quand même. Il y en a même un, finalement, qui était sur le bateau. Il y en a même deux. Un. L'autre avait 27 ans, il était d'accord. Mais c'est phénoménal. 30 ans en montant, c'était con. Bien, Daniel, ça n'a pas fonctionné à la fin. Bien, ça a fonctionné en tabarouette. C'était pas la logique bateau, de ne pas... Les gens ont fait un bateau. C'était pas la logique de ne pas participer si c'était pas... Tu sais, si à 30 ans, si quelqu'un y va pas dans une aventure comme ça, c'est peut-être de la sagesse. À ce moment-là, je parle. Non, mais lui, les gens voulaient venir à l'époque. Quand le bateau était fini, les gens, ils voulaient plus partir. Ouais. Parce que là, c'était réalisable. Ce que je veux dire, où je veux en venir en étudiant ça, on peut l'étudier justement chacun de notre point de vue, c'est quand je dis que l'humain doit prendre une décision, chaque fois que moi ou mes amis, et à travers les temps, on a pris une décision, on a arrêté une décision, on s'est toujours rendu jusqu'au point final de la décision. Parce qu'on n'a jamais pris une décision très loin, très globale, bien, nécessairement, on s'est toujours rendu là. Par exemple, moi, je vous vante à tout le monde la possibilité d'aller sur une île déserte refaire le monde, et finalement, nous prenons la décision de faire un bateau. Et quand le bateau est fini, il est fini le bateau, mais on a pris la décision de faire le bateau, pas d'aller sur une île déserte. Nous voulons aller sur une île déserte, mais nous n'avons jamais pris la décision d'y aller, par exemple. Quand je dis que pour l'être nouveau, quand il se décide, c'est le temps. Pour l'être ancien, c'est qu'il ne peut pas se décider tant que ce n'est pas le temps. Fait que c'est évident qu'il y a énormément d'êtres anciens qui ne peuvent pas prendre la décision, qui pourront peut-être suivre quelqu'un qui prend la décision. Mais il y a énormément d'êtres qui sont transitifs, ce ne sont pas des êtres nouveaux, qui sont suffisamment transitifs pour être capables de prendre la décision de cesser de souffrir et puis continuer à avancer, mais ils ne peuvent pas décider ça en restant dans le même monde. Combien est-ce que tu en connais qui ont cessé de souffrir et ont continué à avancer? Réellement. Tu es une calculatrice? Non. Pas beaucoup. Mais ça ne change rien au principe. Si l'humain ne croit pas, si l'humain ne veut pas y aller, si l'humain ne veut pas embarquer. C'est comme tu me dirais, combien il y en a qui ont essayé le vaccin et ont été guéris? 100% de ceux qui l'ont essayé ont été guéris, mais presque personne ne veut l'essayer, tout le monde a peur. Mais le vaccin est bon quand même. Dans l'expérience que tu viens d'élaborer du bateau, toi, tu n'as pas souffert. Tu aurais pu souffrir énormément. Tu aurais pu souffrir si... Je pense pas, parce que je vois pas pourquoi j'aurais souffert. Non, mais tu aurais pu souffrir si tu aurais eu peur. À la base, tu n'avais pas de peur lorsque tu es entré dans ce projet-là. Personne n'avait peur. Consciente, non. C'est ça. Inconsciente, d'autres en avaient et toi, tu n'avais pas. Oui, mais moi, Tu n'avais moins. Et tu as souffert à la mesure de la grandeur de tes peurs. Moi, alors, je vais rajouter. Qui était minime, alors tu as souffert beaucoup moins. Oui. Moi, je vais rajouter un phénomène par-dessus tout ce que tu dis, qui peut faire la liaison entre ce que je dis et ce que tu dis. Ce qui est extrêmement important, c'est que l'humain peur, que l'humain souffre, et patati patata, ça va. Il va falloir, évidemment, mais c'est évident que si l'humain fait ça spirituellement, il va se faire fourrer à l'os par l'astral, l'astral l'attend et il est ferme là-dedans. Mettons qu'on déciderait d'aller encore sur une île déserte, tout le monde décide d'embarquer, vous vendez tout ce que vous avez, patati patata. Si c'est géré par l'intelligence, ça va réussir. On va arriver sur une île déserte. Si l'intelligence gère uniquement l'aller jusqu'à l'île déserte, dans 5 ans, ça va être la guerre sur l'île déserte. Il faut que l'intelligence ait prévu bien plus loin, ou qu'à chaque fois qu'on avance, qu'on prévoit d'autres choses. Si l'être humain qui a de l'intelligence est capable, un peu plus que ce que le Nazaréen disait. Le Nazaréen, ce qu'il disait, lui, c'est que quand tu pars une claque sur le côté gauche du visage, tends à l'autre côté. Cesse de lutter contre la souffrance. C'est simple, c'est surtout ça. Puis tu vas te rendre compte que si tu es ouvert à la souffrance consciemment, elle va te lâcher vite la souffrance. C'est un peu vrai aussi. OK? Bon. Okay. Et il fallait évidemment que l'humain comprenne le principe. Il y en a qui se sont dit, mais moi je suis martyr, j'entends, il s'en va, je l'ai cœur, il revient, il bûche. Là, je suis bon. C'est sûr que là, c'est pas la même chose, t'as pas compris. Tu appliques un principe sans l'avoir compris. Si l'être humain qui est intelligent décide, puis il peut le décider. Puis si tu me dis non, il ne peut pas parce que s'il pourrait, il le ferait, je ne peux pas faire autrement que d'être d'accord avec toi. Mais en même temps, je suis d'accord avec moi que si je le dis, c'est parce qu'il en faut pas gros. Et pas gros comme le 500 ans ou le 1000 ans. Là. Le 500 ans, c'est pas ça que je disais. Puis le 1000 ans non plus. Si l'humain accepte. L'une des grandes peurs de l'humain, c'est en face de l'avenir. Le neuf fait peur à l'humain, la peur amène la souffrance, etc. Si l'humain, si vous autres, là, si vous acceptez d'être régi par votre intelligence, puis vous faites uniquement ce que l'intelligence demande, au risque et même au détriment des embûches puis du manque de discernement, mais à 4-5, quand les 4-5, mettons qu'on est 6, il y en a 5 qui sont d'accord que ce que tu penses est bon, beaucoup moins de chances de te faire fourrer dans l'astral que c'est que tout seul. Là, je parle évidemment de 4-5 qui ont suffisamment de conscience et d'instructions sur l'astral pour être capable de comprendre. Bon, tu as moins de chance. Tu n'as pas de chance. Mais il faut que l'humain finisse par se risquer. Parce que si l'humain prétend vivre une vie sans risque, il va de toute façon attraper les maladies, le stress, il peut se passer tellement de choses que c'est impossible de vivre actuellement sans risque. Alors, l'humain peut dire qu'il y a des risques calculés, mais il se promène sur la rue et il peut se faire tuer n'importe quand. Il n'y a pas de risque calculé. Bon. tant qu'à de toute façon devoir passer sa vie, si lui-même, à un moment donné, là, décide d'appliquer uniquement son intelligence là-dedans et d'accepter de supporter la souffrance qui va résulter de la lutte de tout ce qui est relié à l'ère ancienne, donc de l'homme, l'ère ancienne, l'ère arcéenne, si lui-même accepte de supporter la souffrance qui va naître de sa décision d'appliquer l'intelligence, bien nécessairement, en pas grand temps, l'humain, il mute totalement vers le monde de l'apothéose, il vient me rejoindre dans mon monde. Il faut que l'humain accepte d'accepter, il faut que l'humain accepte une souffrance qui ne fait pas mal, mais qui est différente et qui est neuve. Qui est souffrante pareil. Ben, parce qu'elle est neuve. C'est drôle à dire, mais la souffrance est souffrante uniquement parce qu'elle est neuve. Mais elle ne fait pas une grosse souffrance. C'est une souffrance épeurante, la peur amène la souffrance, donc oui, tu as raison. Mais cette souffrance-là fait pas mal. Elle fait mal. Elle fait très mal. Elle fait mal seulement si tu survives. T'appellerais-tu ça une friction? Bien, c'est créé par la friction. Okay. Mais je vais expliquer ça, une chose. Ça, c'est les étapes avant secondes, la grande deux secondes, 2 minutes et demie. Autant à prendre. Ça comptait pas. Quand l'humain traverse la barrière de la désinhibition, quand l'humain traverse la barrière de l'ère nouvelle, ça crée une souffrance qui n'est pas souffrante, mais qui fait mal. Si l'humain traverse et reste traversé, il sait qu'il y a une souffrance, cette souffrance-là ne le rejoint pas, elle ne lui fait pas mal. Puis où ça fait mal à maudit, c'est quand l'humain traverse, puis qu'après un bout de temps, il revient. Ah là, il a mal en salababitch. Après ça, il traverse, puis là, il revient. C'est le gros problème. La majorité des gens qui, à un moment donné, là, se branchent, après ça, reviennent, c'est ceux-là qui souffrent le plus de la transition. Quand tu as traversé, il reste au bord, tu sais que ça souffre, tu le sens pas. Mais si tu reviens, par contre, tu reviens en plein dans la marbre qui est en train de se faire en bas, puis là, évidemment, c'est compliqué. Il faut avoir le taux vibratoire pour supporter ce que tu viens de dire. Toi, tu es capable de le faire, mais c'est pas tout le monde qui sont capables de supporter ça. Mais il faut que le vase soit prêt, Daniel, pour recevoir ce point. Mais il y a bien des vases qui sont prêts présentement, puis il y a bien des humains qui sont pas sûrs qu'ils sont prêts, mais les vases sont prêts. C'est possible. C'est nouveau. Oh oui. C'est nouveau. Oh oui. Ça s'est pas vu. Non. Ça change rien. Okay. Mais jusqu'au temps que les conscientisés arrivent à ce point-là, parce qu'on vient de dire qu'il n'y en a pas beaucoup, là, toutes les autres qui sont obligés de passer par la souffrance, comment, par les mécanismes, pas par les mécanismes. Arrête 2 secondes. Je reçois une information, là, on demande... de changer la voiture de place. Regardez ceci. Tout le monde, tout compris. Faut t'asseoir que ça soit des bouts de temps, là. La souffrance doit être proportionnelle à l'expérience pour arriver à faire éclater l'expérience. C'est une loi, ça. Fait que la souffrance doit être proportionnelle à l'expérience pour faire éclater l'expérience. Si je prends un enfant, donc avant l'adolescence, et que je l'instruis dans un cadre intelligent, on parle évidemment d'un enfant qui est suffisamment teflon. Donc un enfant qui déjà a minimum atteint un certain niveau de vibration au niveau de son taux. Il y en a quand même un grand nombre. Bon, je prends cet enfant-là, je l'instruis. À un moment donné, l'astral vient le charrier. Si je le plante immédiatement, la souffrance que je vais devoir lui donner pour qu'il se recentre immédiatement est peut-être l'équivalent de 1. Si je ne le plante pas immédiatement, je le laisse aller, il finit par m'achaler, m'irriter, m'écœurer, je le plante. Probablement, il faudra que j'y mette de la souffrance de calibre 3 pour le recentrer. Ici, à peu près jamais c'est fait quand c'est le temps convenablement. Il devient un jeune, devient un adulte. À un moment donné, c'est 3-5 qu'il faudra que je lui mette en souffrance pour le replacer. Puis quand ça atteint 25 ans, 30 ans, je porte à 3000. Puis quand ça atteint 50 ans, tu veux planter, tu veux brancher quelqu'un de 50 ans convenablement, pas qu'il mange la merde dans 6 bois. Parce que sans ça, toute sa sagesse, son expérience va continuellement venir atténuer ce que la souffrance va lui amener. Fait que pour qu'il se débranche de l'expérience du passé, de la mémoire, pour se brancher royalement et convenablement à l'intelligence, il va falloir que tu le brasses. Ah, il faut que tu le brasses. Ah, puis le mot du bon sens, la souffrance, il va falloir qu'il supporte, pas à long terme, rapidement, une vraie, pour arriver à la grande souffrance. Un jeune, une grande souffrance pour un jeune, ça peut être juste de crier après une fois. Tu n'as jamais crié après. Tu fais juste lui dire une fois, là, arrête! Puis ça, il n'est pas rabroyé, tu viens de le recentrer au complet, il est correct. Il vient d'atteindre une grande souffrance. Pour un autre, à un moment donné, avec l'expérience qu'il va récolter, il va falloir que tu lui envoies une bombe nucléaire sur la tête pour l'amener à un taux de grande souffrance pour qu'il ait la même centricité que le jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, si on, le moindrement qu'on parle de monde intelligent, le moindrement qu'on parle de transiter d'un monde à l'autre, on a le choix. Commencer uniquement avec des jeunes, puis là, évidemment, tu vas me relancer en disant que pour éduquer les jeunes, il faut au moins être des adultes qui soient déjà centrés. Et pour centrer ces adultes-là, il faut croire que le niveau de souffrance pour arriver à les centrer va être équivalent à leur expérience. Puis ça, c'est un fait, c'est une loi, un principe. Bon, alors moi, ce que je dis, c'est que moi, ce que je sais, je ne peux pas l'appliquer encore présentement, c'est que donnez-moi les jeunes qui sont intelligents, puis ils vont rester intelligents toute leur vie. Puis pas dans mon intelligence, dans la leur. Et c'est facile. Et plus que le temps va avancer, plus que ça va être facile. C'est évident. Dans 50 ans, ça va être bien plus facile que c'est aujourd'hui. Oui. Parce que les âmes qui vont s'incarner, réincarner dans 40 ans vont être plus adéquates à ça. Mais présentement, vois-tu, l'humain qui n'est plus un enfant, donc l'humain qui a de l'expérience, parce que il y a l'humain qui a de l'expérience doit... Il doit aller chercher un niveau vibratoire équivalent à son expérience. Puis normalement, la vibration peut être engendrée par le contact avec l'intelligence. La même vibration, l'excitation énergétique peut être engendrée par deux phénomènes. Par trois phénomènes, on parlait de deux pour l'instant. L'excitation énergétique, augmenter son taux vibratoire, peut être engendrée par le contact avec l'intelligence, peut être engendrée par... l'intelligentiation de la souffrance. Parce qu'un individu qui souffre et qui n'a pas conscience subitement que sa crise de souffrance, il y en aura le bol, n'est pas énergétiquement excité par la souffrance, donc il n'augmente pas son taux vibratoire. Il va continuer à souffrir. L'individu qui, à un moment donné, en aura le bol, il continue à souffrir, sauf que, oui, lui, il continue à souffrir, sauf que son taux vibratoire augmente. Ouais, c'est pas la même souffrance non plus. Mais non. Il va continuer à souffrir quand même. Pour l'instant. Ah, oh, ça va s'atténuer, là. Mais c'est pas parce qu'en plein milieu de ta misère, tu conscientises la mécanique que tu es bien. Tu souffres autant, c'est un autre niveau. Mais tu viens d'augmenter ton taux vibratoire, tu es capable d'avoir accès à de la conscience. Tu vas comprendre des choses instantanément, tu es en contact avec l'intelligence supramentale, des choses que l'humain ne comprend pas, puis que l'autre qui souffre ne comprend pas non plus. Par contre, l'adulte actuellement peut passer par la souffrance ou bien être... excité par le contact avec l'intelligence. Mais pour être excité par le contact avec l'intelligence, il doit baigner dans l'intelligence. Pour baigner dans l'intelligence, ça veut dire nécessairement que ça implique un village comme OFSA. Bon. Maintenant, la problématique, c'est que pour arriver à faire un village comme OFSA, il faut des êtres déjà intelligents. Puis là, c'est ce qui revient encore relancer ton phénomène, c'est que tant que l'humain n'est pas prêt, l'humain n'est pas prêt. Sauf un paquet de choses que je sais qui s'en viennent. T'apprendras. Comme quoi? Quelle question! Le contact avec des êtres transtemporels, les voyages séraphiques qui sont faits, que moi je fais, mais qui vont être faits par de plus en plus d'individus, qui il y a des personnes présentement qui ont un taux vibratoire suffisamment avancé pour être amenables dans un contexte hyper intelligent. Ça, ça va les exciter suffisamment pour, au lieu que ce soit la souffrance. Quand on va les ramener ici, il y en a qui de plus en plus vont avoir la capacité énergétique de prendre la décision. La décision qu'ils vont prendre, c'est une décision d'accepter la souffrance. Du retrait de l'ère ancienne. Donc, une souffrance que tu sais qui existe, mais que tu ne sens pas, tant que tu restes de bord. C'est exactement comme si tu sors de l'eau, et quand ta tête arrive en haut de l'eau, tes pieds commencent à brûler dans le fond de l'eau. Ça, tu sais que tes pieds brûlent, tu ne sens rien, mais si tu redescends en fait dans l'eau, tu vas te ramasser avec des pieds carbonisés, faire mal en maudit. Alors, tu restes en haut. Mais plus tu commences à monter, plus tu sens que ça, le feu monte. Tu dis, crime, plus je monte, plus je me fais brûler. Et quand tu vas arriver au niveau de la taille, quand tu vas continuer à monter, ce qui va sortir ne sera pas brûlé. Mais ça, l'humain ne l'a pas expérimenté. L'humain, tout ce qu'il expérimente présentement, c'est que plus il sort, plus en dedans ça brûle. Mais quand l'humain donc, traverse la barrière de la désinhibition, l'autre côté, dans le monde de l'intelligence, quand l'humain traverse là-dedans, il expérimente la souffrance sans la sentir, mais il sait que ça se détruit en bas. Puis l'humain, ce qu'il sait très bien aussi, c'est qu'une fois qu'il va être sorti ou suffisamment amoché, ce qu'il faut pour revenir dans l'eau, pour revenir dans le monde ancien. Mais tu vas pouvoir y aller pareil, mais ça ne le dérangera pas. Tu as raison, mais ça, il ne sait pas. Puis le temps qu'il sort, là, il n'y en a vraiment, vraiment, vraiment pas l'expérience. Il est comme hypnotisé. Ben, il est comme la jeune fille ou le jeune garçon qui se fait sacrer dehors par sa famille. Si tu t'en vas, ben, tu ne reviens plus jamais. Fait que l'enfant, il ne sait pas s'il part ou s'il part pas. L'humain, c'est la même chose. Une fois sorti, quand ils vont revenir dans 2-3 ans, les parents vont trouver bien accueillant. Sauf que pour l'instant, les parents sont en colère, les parents lui disent que s'il part, il ne reviendra plus. Est-ce que le verbe d'un initié peut aider dans des cas comme ça? Oui, mais... Est-ce que dans le passé, dans les initiations qui n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui, mais quand même qui avaient le même principe, selon moi, les initiés qui utilisaient le verbe pour faire passer des nouveaux initiés d'un pas à l'autre, est-ce que la même chose va pouvoir se pratiquer? C'est le contact avec l'intelligence. Il y a une problématique majeure. C'est que c'est tellement facile. Je sais que tu dis c'est pour moi, c'est tellement facile, mais c'est tellement facile. Ah oui, parce que tu as le taux vibratoire pour le comprendre, pour le savoir. Oui, je sais bien, mais c'est facile quand même. À tous les niveaux, c'est facile. Quand tu regardes le plus bas et en arrière, c'est facile. Écoute, tu l'as compris, puis tu l'as appliqué, puis tu le sais, puis tu le vibres, puis il est dans tes cellules. C'est facile. Mais c'est facile. Oui, c'est toujours comme ça, Daniel. Regarde en arrière, là, ce que c'est qu'on a vécu, et puis qu'on le comprend maintenant, c'est facile. Très, très, très facile. C'est la nouvelle qu'on fait face à aujourd'hui. Puis à aujourd'hui. Oui, mais l'humain a de la difficulté à accepter les choses neuves uniquement parce qu'il est toujours en train de les comparer avec ce qui s'est passé. Il faut cesser d'être braqué vers Hannibal, il faut regarder carrément en avant. Uniquement. Il faut que l'humain puisse partir là, immédiatement dans sa vie. Paf! Commence aujourd'hui. Pas spirituellement. Ouais. Mais t'es pas ce que t'es. Tout ton passé complet, toi, il est là pour t'empêcher d'arriver à avancer. Il est là pour te nuire. Pour te protéger aussi de sauter. Bon, pas sûr. En tout cas, dans ton cas, le passé que tu avais avant de souffrir, il ne semblait pas que tu aies protégé bébé. Oui, absolument. J'aurais pas pu supporter certaines énergies. Oui, mais tu ne serais pas passé là-dedans non plus. Non, j'aurais pas compris non plus, j'aurais pas su. Ah, ça c'est un autre... Alors, ça prend... OK, ça prend un autre moyen... Ouais. Pour... pas un autre moyen, un autre véhicule... pour emmener le niveau, pas de compréhension, mais de savoir que cela a emmené. Bon, et l'autre véhicule, c'est le contact avec un initié. La problématique du contact avec un initié, c'est qu'à un moment donné, tu peux te laisser ramasser par, tu peux être subjugué par la présence de l'initié. Tu deviens intelligent, mais de l'intelligence de l'initié et non pas de ta propre intelligence. C'est le problème majeur. Oui, mais c'est justement ce que la souffrance amène. La souffrance amène l'homme à se savoir de lui-même. Oui, sauf que l'humain a ce qu'il faut. L'humain est équipé pour être capable de se savoir de lui-même au contact d'un initié, oui, sans être subjugué par la présence de l'autre. Mais l'humain ne le fait pas. Et quand je dis que l'humain ne le fait pas, c'est bien que quelqu'un qui ne me comprend pas, il ne comprend pas. Mais à un moment donné, quand on dit des choses, là, même à des gens qui ne comprennent pas, quand on dit ces choses-là, à un moment donné, paf, ils comprennent. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Il y avait le niveau vibratoire pour le comprendre. Ça veut dire qu'il y avait le niveau vibratoire rendu à un point tel qu'en lui rajoutant ce qui manque, puis maintenant il comprend. C'est évident qu'il faut qu'il y ait un certain vécu. Moi, ce que je dis, c'est que la souffrance est absolument essentielle à l'humain actuellement parce qu'il n'y a pas suffisamment de contact et de présence d'intelligence dans le contexte planétaire. Puis toute la mécanique astrale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout pour empêcher la présence de l'intelligence. Essaye d'amener de l'esthétisme à la planète Terre, c'est de la vraie merde, tu ne pourras pas. Puis les bons citoyens et citoyennes vont tout faire pour te planter. Mais amène de la merde sur la Terre, les bons et les bonnes citoyennes vont être bien d'accord avec toi. Il n'y aura aucun problème. Puis j'en ai des exemples absolument phénoménales. Le moindrement que quelqu'un commence à faire du bien pour l'humanité, tout le monde commence à chercher ses points noirs. Quand on arrive, comme il y a les télévangélistes, il a couché avec une prostituée, on le met dans la rue. Puis tu sais qu'il couche avec des prostituées? Bon, mais c'est un vendeur de drogue, il a le droit, lui. Ah là, c'est un peu une famille ordinaire, il n'y a rien là. Mais le télévangéliste, par contre, dans ce qu'il dit, il dit ceci, ça fait qu'il a raison dans ce qu'il dit, on devrait prendre ce qu'il dit, puis rien avoir à faire avec ce qu'il fait dans la vie. Mais essaye d'amener le moindrement que tu vas que lui. Je sais, c'est quel problème présentement au niveau planétaire. C'est pourquoi, moi, ce que je suggère fortement, n'est-ce pas, c'est de changer de monde. Voilà, mais là. C'est la game au niveau de la pensée. Je sais que c'est le jeu au niveau de la pensée. C'est là. C'est à ce point-là que je voulais revenir tantôt. Oui, mais l'humain a suffisamment de paroles dans sa tête pour être capable de se le répéter et être capable de se dissocier de la pensée. Il va souffrir. Il ne souffrira pas. Il va savoir qu'il souffre. Si le télé-évangéliste dont tu parles tantôt aurait compris les mécanismes de la peur créée par le désir, par la pensée, par le monde parallèle qui lui fait croire qu'il pense lui-même, s'il avait tout compris ces phénomènes-là, s'il avait eu le niveau vibratoire pour comprendre ça, il aurait été comme toi dans le bateau. Pas dans le bateau, mais dans le projet du bateau. Il aurait pu faire face à ça. Puis, ça serait pas, il n'aurait pas eu besoin de vivre l'expérience. S'il avait compris ce point-là, selon moi. Parce que ce que je dis, en réalité, c'est un exemple de manifestation que pour comprendre, il faut que le taux. En réalité, c'est par ricochet, ce que je veux dire. Quand que tu comprends ça, ça veut dire que ton taux vibratoire est suffisamment haut pour éviter la souffrance. Oui, mais tu n'as pas besoin de passer par la mécanique de la souffrance. Mais quand tu ne l'as pas compris ou que tu n'as pas le taux vibratoire de ce niveau-là, tu peux passer à côté. Je sais. 99% de l'humanité ne peut pas comprendre ce qu'on dit. Eux devront passer par la souffrance. Comme ce télé-évangéliste-là, là. Il fait partie du 99% de l'humanité qui ne comprend pas ce qu'on dit. Oui, mais... si c'est le même dont je pense, en arrière des barreaux, comme qu'il est aujourd'hui, son taux vibratoire, il doit avoir haussé. Il a changé. Est-ce qu'il a haussé? C'est une autre paire de manches. Mais il n'a pas haussé. Dans l'évolution. Non, il a changé. Pas, mais il a pas ma haussé. Conscientisation, mais non, dans l'évolution. Dans son cas, il n'a pas assez souffert. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait de la récupération face à la dissonance cognitive. Dans son cas, tout ce qu'il a fait, c'est que ce qui s'expliquait avant, qui ne marche pas, Bien, il s'est donné de nouvelles raisons pour arriver à expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Et maintenant, il est aussi bien qu'avant, mais il n'a pas bougé. Par exemple, Dieu t'aime, Dieu va tout faire pour ton bien. Paf, crève un œil. Dieu t'aime, Dieu voulait simplement voir si tu l'aimerais encore après. Tu n'as pas aussi dans ton vibratoire, tu n'as que changer de vision. Bon, tu te fais récupérer. Faut que tu souffres mauditement plus. La majorité du monde, c'est ce qui va arriver. Plus ça va mal, plus les gens s'expliquent. C'est ça, moi, qui me dérange. Puis t'as pas tort dans ce que tu dis. Moi, ce que je dis, c'est une mécanique perverse dans laquelle les gens sont embarqués. Puis les gens n'en débarquent pas. Pourquoi? Parce que depuis le début des temps, l'homme et l'homme se fait fourrer là-dedans. Bon, t'as un train qui marche tout croche, il y en a un qui marche bien. On a toujours pris le train tout croche, il n'y a personne qui croit au train qui marche bien. Fait que ça devient méritoire à un moment donné. Écoute, t'es pas assez peu pour embarquer dans l'autre train à côté. Puis ceux qui sont essayés, là, le train qui est à côté va plus vite. Fait que tous ceux qui sont essayés, ben, ils sont partis du train qui marchait mal. Puis on voulait embarquer dans le train qui allait plus vite, sans s'ajuster au train qui allait plus vite, et on s'est même pogné une débarque, ils sont ramassés entre les deux. Ce qui fait juste prouver au monde que c'est pas bon. Mais t'as pas besoin de passer par là. Non, mais beaucoup de religions, beaucoup de sectes ont enseigné, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont eu des fidèles, que... Ils pouvaient passer à côté de la souffrance. Oui, mais la religion, elle a toujours interdit à l'humain de passer à côté de la souffrance. Elle a dit à l'homme, un jour tu pourras. Quelqu'un arrivait, il disait, je peux, on le crucifiait. C'est un maudit menteur. La religion, toutes les religions ont interdit à l'homme de passer à côté. Toutes les religions ont interdit à l'homme de prétendre être en contact avec Dieu. Excepté s'il fait ça, ça, ça, ça, ce que la religion... Même pas, s'il fait ça, ça, ça, ça, ça... Il faut qu'il soit mort, après il pourra aller parler avec Dieu. Il n'y a pas une foutue religion. Il y a un gars, une fille qui revient en disant, écoutez, Dieu me renvoie pour vous dire, il n'est pas le temps de finir, il est mort. Il n'y a pas une foutue religion qui autorise ça. Les religions, là, font partie des pièges de l'astral au complet. Les religions ont été là. Ça paraît, mais tu sais qu'on peut tellement, tellement expliquer positivement toutes les merdes qui nous arrivent. C'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, on arrive à un culte de la souffrance. Puis je sais, puis là, c'est pas ce que tu dis qu'il y a le culte de la souffrance. C'est que l'humain, finalement, souffre sans arrêt. L'humain apprend dans la souffrance alors qu'il peut apprendre autrement. Mais l'humain ne met pas de valeur dans ce qu'il apprend sans souffrance. Il met de la valeur dans ce qu'il apprend avec la souffrance. La souffrance l'amène à peu près tout le temps à comprendre ce qu'il savait déjà. Et que là, maintenant, il se dit, là, maintenant, il faut que je l'applique. Quand tu dis que ça l'amène à savoir qu'est-ce qu'il savait déjà, ça l'amène à savoir qu'est-ce qu'il savait déjà parce que dans sa programmation, dans ses gènes, dans ses cellules, c'est déjà inscrit ce qu'il va savoir. Ah oui, mais il le vibre quand même depuis un bout de temps. Mais pour atteindre, pour avoir droit à ce savoir qui est dans ses cellules, il faut qu'il vive l'expérience. Il faut pas qu'il vive l'expérience, sauf que lui-même... À date, c'est ça. Le corps physique est constitué comme ça à date. Oui, c'est parce que l'humain reste convaincu qu'il y a uniquement par la souffrance. C'est parce que c'est dans ses cellules, Daniel. Un être humain qui s'aime le moindrement convenablement, pas un être humain qui s'aime, donc de l'amour pour lui, pas de l'amour propre. Ça, c'est souvent sale. De l'amour pour lui, un être humain qui a de l'amour pour lui, n'a pas besoin d'expérimenter la souffrance pour arriver à énergiser les mécaniques génétiques qui veillent à son bonheur. Un être humain qui s'aime n'a absolument pas besoin du mérite de traverser la souffrance pour arriver à s'autoriser à être. Mais l'humain, il ne s'aime pas. Il n'y a pas eu un encore à date qui a fait ce que tu dis. Je sais. Ce que tu dis, moi, je suis entièrement d'accord. Ah, c'est... Merci. Et puis... Je veux que ça soit éclairci plus adéquatement pour qu'on comprenne, qu'on l'applique, qu'on passe à côté. Mais la chose qu'il faut que l'humain fasse au départ, c'est de se rentrer bien loin dans le coco, que ce qui prime au niveau de son intelligence, c'est ça qu'il doit appliquer au détriment des souffrances planétaires. Il y a des choses que tu dois faire. Toi, par exemple. Vibratoirement parlant. Toi, par exemple. Non, moi, je ne veux pas avoir de procès ici. Non. Non, toi, mais c'est ça. Toi, il y a des choses que tu dois absolument faire que tu sais que tu devrais faire, que tu vibres que tu devrais faire, il faudrait que tu les fasses. Ma femme, tout le monde, là. Je parle pas de toi, là. Ça, j'achète pas ça, Daniel. C'est gratuit. Oui, mais si c'est ce qu'on a déjà parlé, c'est inacceptable. Non, c'est pas ce qu'on a parlé. Puis c'est ce qu'on a parlé. Mais c'est pas ça. Parce oui, ça. Que quand un individu, la parole d'un être qui est plus haut vibratoirement, suffisamment haut vibratoirement parlant pour comprendre la situation de l'autre à qui il parle, ne peut pas faire savoir à cet être-là ce qu'il doit savoir par l'expérience. Ça, je l'accepte, d'accord. Tu dis à quelqu'un, vis pas cette expérience-là, parce que c'est pas ce que tu dois vivre. Tu vas manger de la merde en faisant ça. Que ce soit n'importe quelle raison. Il faut que l'autre personne qui est prise dans cette arnaque-là, cette arnaque planétaire, passe à travers pour le savoir qu'est-ce que l'autre voulait dire. Oui, mais uniquement parce qu'il reste, cet être-là reste un être expérientiel. C'est un être qui continue, consciemment ou inconsciemment, puis tu n'as pas tort dans ce que tu dis, c'est un être qui est encore programmé à devoir expérimenter les choses pour après ça pouvoir s'en servir. À l'exception que dans le passé, c'est pour ça que je te demandais tantôt le verbe, qu'est-ce que c'est qu'il peut faire. Dans le passé, certains initiés, en parlant à l'autre personne qui était plus bas vibratoirement, lui ont fait comprendre, lui ont fait savoir de part à part à leur parole. Oui, mais comme tout à l'heure, je te disais... Dans certains cas, ils les ont fait souffrir pour qu'ils l'apprennent, par oui, exemple. Oui, mais la problématique, c'était que la majorité des disciples devenaient subjugués par la présence, par le verbe du maître, mais n'atteignaient pas leur seuil d'intelligence. OK, bien, je vais te prendre un exemple bien concret, parce que je ne pense pas qu'il a été subjugué. Prendons un exemple concret. OK. Concret. C'est peut-être pas approprié, par exemple. C'est peut-être pas approprié, mais... Disons, là, que... Oh, je suis pas capable. OK. Ça regarde pas. Non, c'est pas ça. C'est que ça veut pas... Advenant le cas qu'un initié tel que Saint-Germain aurait initié d'autres initiés moins élevés vibratoirement, tels que Cagliostro, par exemple. Il l'aurait fait souffrir. Cagliostro, c'est un initiable, mais c'était pas un initié. Mais il est devenu initié. Oui, parce qu'il a appris des choses, mais il n'est pas devenu un maître. Un initié, c'est quelqu'un qui est initié à quelque chose. Un grand initié, oui. OK. Initié à des grands mystères, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui contrôle. La parole d'un l'a fait passer à l'autre côté. Mais dans le cas de Saint-Germain, c'est que Saint-Germain possédait radicalement les individus avec lesquels il travaillait. Ça revient encore, il l'a carrément subjugué. Puis quand il l'a lâché, que l'autre bonhomme, Caligastro, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il quand a fait? Quand Saint-Germain s'est retiré de lui. Oui. Vers la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, Caligastro? De bon ou de mauvais? Il n'a rien fait, parce qu'il n'avait pas rien faire, je pense. Mais le point que je voulais amener, c'est que un a fait passer l'autre à l'autre côté. Vibratoirement parlant, l'autre a vécu des expériences. Mais grâce à l'énergie de Saint-Germain, mais quand Saint-Germain est sorti, il est revenu à son monde. Non. Oh oui. Il n'est pas resté en haut, il n'est pas... Saint-Germain, mais pourquoi ça a été fait d'abord? Parce que Saint-Germain a toujours travaillé avec plusieurs personnages. C'est sûr que l'individu garde l'expérience du changement, mais il n'est pas changé pour autant. Il est plus sage dans l'expérience du changement. Mais Saint-Germain n'a jamais fait évoluer ou conscientiser quelqu'un. Il les a toujours imprégnés. Les gens imprégnés par Saint-Germain sont devenus quelqu'un d'autre. Puis quand Saint-Germain s'est retiré, la majorité de ces gens-là sont restés neutres ou ont souffert. Dans la cellule de l'individu physiquement, dans les gènes, il y a eu une altération? Non, il y a eu une... Prendre des termes simples, là. Il n'y a pas eu d'altération au niveau des gènes. Il y a eu une dynamique, une dynamisation au niveau de l'énergie de chaque cellule, des atomes de l'individu. Puis lentement, c'est effacé progressivement quand Saint-Germain s'est retiré. OK. Alors, quand je dis que il faut que l'individu le trouve lui-même, parce que l'humain est convaincu, l'humain dans le mécanique a le devoir de le trouver lui-même. Que Cagliostro, il ne l'a pas conservé. Pourquoi? Parce qu'il est influencé par l'autre. C'est le taux vibratoire de l'autre. Oui. À son contact, comme tu dis, il a élevé, mais après ça, quand l'autre est parti, il a descendu. Mais si il l'avait passé seul, puis le degré de savoir qu'il a atteint, il l'aurait trouvé lui-même, il ne l'aurait pas perdu après. Ou s'il avait rebaissé, il n'aurait plus le remonté. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs individus qui arrivent à un degré de savoir particulier de par eux-mêmes, puis qui rebaissent à un moment donné après. Puis ils remontent, puis ils rebaissent, puis ils remontent à un moment donné. Est-ce que c'est l'apanage de l'homme nouveau? De monter, de baisser, ou non, de ne pas baisser? Non. Éventuellement, dans ce que tu parles, éventuellement... Ce que les gens devraient comprendre, c'est tellement facile à comprendre. Ça, c'est, les gens font tellement confiance à l'astral comparativement à l'intelligence. Une personne subjuguée par l'intelligence, la mienne par exemple, celle d'un autre, voit différemment le monde. Elle voit le monde plus esthétiquement, plus intelligemment. Elle voit ce qui n'est pas correct, elle voit ce qui est correct. Bon, elle part deux semaines, deux, trois, quatre, cinq semaines, disons un mois ou deux en vacances. Lentement, elle revient à son niveau vibratoire. Quand elle est revenue, elle a hésité à Barnouche. Tu sais, je me faisais fourrer dans mes idées par Daniel Kim. Prenons l'exemple que c'est moi. Elle est subjuguée. Elle était subjuguée par ma présence. Maintenant qu'elle est revenue dans son monde, elle est subjuguée par l'astral. Mais elle va dire, bon, là, maintenant, je suis moi. Droguée au maximum par l'astral, les stupidités, les mémoires et la souffrance, elle dit, maintenant, je suis moi. Vous n'êtes pas plus, vous autres. Mais à un moment donné, nous allons discuter, par exemple, d'éducation familiale. Et puis, on en arrive, par exemple, entre parents, à parler des choses intelligentes qui devraient être faites pour éduquer les enfants. Pas les éduquer, pour les instruire. Là, les personnes rentrent chez elles, et puis après 2, 3, 4, 5 semaines, ne sont plus sûres de rien. Pourquoi? Parce que l'enfant redescend dans leur niveau. Mais un individu qui a le moindrement une petite vibration d'intelligence, tout ça, en lui expliquant, il peut maintenant s'en servir. Donc, même s'il n'est pas prêt à lui expliquer, il peut s'en servir. C'est qu'il sera capable, il doit se dire, quand je suis en contact avec l'intelligence, je vois que c'est comme ça qu'on devrait le faire. Quand je ne suis plus en contact avec, je ne vois plus que c'est comme ça qu'on devrait le faire. Je dois donc le faire comme quand je suis en contact avec l'intelligence. Moi, j'ai souvent expliqué aux gens, souvent, vous allez commencer quelque chose parce que vous avez une raison intelligente de le commencer. Vous allez cesser de faire une chose uniquement parce que vous ne voyez plus la raison intelligente. Mais vous n'avez pas de raison intelligente d'arrêter. Et si l'humain cesse de faire quelque chose parce qu'il a une raison intelligente d'arrêter, c'est bon. Si l'humain cesse de faire quelque chose parce qu'il ne voit plus la raison intelligente de le faire, il se fait fourrer. Mais parce que l'humain se fie plus à l'astral qu'à l'intelligence, moi je préfère, quand je suis drogué au maximum, je me dis c'est moi, puis quand je suis limpide et clair, je me dis c'est pas moi, ce que l'humain fait. Alors, si l'humain est capable de voir c'est quoi l'intelligence, le principe d'intelligence, on se réunit, on parle de choses intelligentes qui devraient être faites. Une fois que les gens ont vibré à ça, bien, ça devrait se faire immédiatement. Puis si dans 2, 3, 4, 5 semaines, ça plante, tout le monde devrait savoir, tout le monde devrait aller s'asseoir pour comprendre dans l'intelligence pourquoi ça l'a planté. Pas en se disant, « Ah, c'est parce qu'il y a un tel puis une telle qui n'a pas fait telle affaire. » C'est pas ça. C'est que si elle ne l'a pas faite, c'est qu'il a manqué d'énergie quelque part. C'est évident. Parce que la personne qui, par exemple, devait envoyer, mettons, une lettre à tout le monde pour les inviter à telle réunion, elle ne l'a pas faite. Bien, il manquait d'énergie. Parce que la personne, elle s'est offerte. Donc, elle est de bonne foi. Si elle ne l'a pas faite, c'est qu'il a manqué d'énergie quelque part. Elle l'a oublié, elle n'avait plus le goût, elle n'avait pas l'énergie pour le faire, elle n'avait pas le tonus, elle n'y a pas pensé. Et bon, les individus qui sont en intelligence doivent, du moment qu'on vit avec quelque chose de bien, s'arranger pour le faire immédiatement. Puis non pas en fonction de sans espérer que ça va fonctionner. C'est le problème de l'humain. On en parlait encore tout à l'heure, le problème de la pensée, le problème des désirs, donc nécessairement l'espoir. Comme à un moment donné, je disais que si à chaque mois, par exemple, tout le monde mettait 5$ dans un petit pot, ça ferait quelques centaines de dollars qui permettraient à ceux qui n'ont pas d'argent d'assister aux conférences, permettraient à ceux qui n'ont pas d'argent d'assister aux paiements, permettraient, tu sais, on ne sait pas comme ça. Les gens vibrent bien ça. Une personne dans l'intelligence, bien, en sortant, devrait dire, tiens, je mets mon 5$. Et quelqu'un va dire, écoute, on n'a rien de prévu pour ramasser l'argent. Et je m'en fous, je le mets pareil. Bon, et puis, si à un moment donné, il y a du monde qui n'a pas d'argent, mais tu as au moins 5$. Tous ceux qui ont vibré devraient appliquer immédiatement. Là, ce qui va arriver, c'est que les gens vont fonctionner en l'air du poisson. C'est que les gens ont peur de se faire fourrer. Pourtant, à 5$, il n'y a pas un grand fourrage. Mais les gens ont vibré intelligemment. Mais les gens n'appliquent rien parce que les gens attendent d'être subjugués par l'énergie d'un maître pour être capables d'embarquer. On vient encore à l'idée que si les gens s'aimeraient un peu plus, par exemple, si moi je dis on le fait, les gens vont être prêts à le faire. Si moi je dis les êtres intelligents devraient faire ça, bien les êtres intelligents ne semblent pas pouvoir le faire. Et si on va plus loin, on peut en arriver à dire que si c'était intelligent, personne n'aurait besoin de payer. Non, on ne peut pas arriver à dire ça. Parce que si on... Si nous étions dans un monde intelligent, mais nous ne sommes pas dans un monde intelligent, mais ça n'empêche pas de descendre de l'intelligence dans un monde qui n'est pas intelligent. Dans le monde actuel, il faut payer. Donc, il faut que les gens payent pour arriver à subventionner. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Mais si les gens mettent un petit peu de douleur... C'est un phénomène, ce qu'on voit, par exemple, dans les très hautes spiritualités. C'est ça. Qu'on ne voit plus dans l'intelligence, c'est l'entraide. C'est bon. Quand est-ce que dans la mentalisation ou dans l'intelligenciation, c'est évident que dans l'ère nouvelle, l'humain, l'entraide, fait partie intégrale de chaque cellule du corps humain. C'est évident. C'est logique, c'est essentiel. Autrement dit, dans l'intelligence, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ceci. C'est que si nous autres, nous serions tous, par exemple, suffisamment dans l'intelligence, nous comparerions tous que la première chose qu'on doit faire en tant que groupe d'êtres intelligents, c'est de s'arranger pour que l'astral ne puisse plus avoir d'emprise sur personne du groupe. Première chose à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait s'arranger pour minimum garantir l'alimentation de n'importe qui si un jour il se ramasse avec des problèmes, l'habitation de n'importe qui s'il y a des problèmes, la vestimentation de n'importe qui s'il y a des problèmes, l'éducation, des choses comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, qu'on va acheter une terre, on la cultive tout l'été. Ça veut dire que les gens, à un moment donné, qui n'ont plus d'emploi, on les met sur la terre. Bon, puis il y a une petite cabane, ils restent dedans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'a plus d'argent, il n'a plus rien, de misère à manger, il y a tout ce qu'il faut pour manger. C'est un exemple que je donne qui est bien banal. Ce que je veux dire simplement, c'est que n'importe qui est intelligent devrait pouvoir se dire... De toute façon, sur la Terre, il ne m'arrivera rien de vraiment désastreux parce que je connais des gens intelligents. Bon, minimum, là, l'astral n'a à peu près plus d'emprise sur ce groupement-là. Puis normalement, c'est pas long que l'astral va les laisser aller. Parce que c'est trop coûteux en énergie d'essayer de planter un groupe de gens solides. On les laisse aller. Donc, les gens, ça devient exponentiel. Les choses vont de mieux en mieux. Là, je ne parle pas, moi, d'altruisme spirituel. Ce que je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se fait voler ou sa maison passe au feu, puis il n'a pas eu le temps de prendre d'assurance, un exemple. Lui devrait se dire, bon, ben c'est un maudit problème, mais moi, j'en ai pas parce que je connais du monde intelligent. Ce qui fait que les gens se cotisent, les gens y rachètent une cabane, ça finit là. Mais les gens vont dire, oui, mais on n'a pas suffisamment d'argent. Mais on commence avec le minimum qu'on a. Quand c'est trop gros, mais tant pis, on n'est pas encore sur la planète Terre, puis quand c'est correct, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, les gens qui vivent dans l'intelligence doivent comprendre l'évidence même de l'alliance. Puis l'alliance, ça veut dire être capable de s'entraider. Puis c'est pas une question de spiritualité, c'est une question d'intelligence. On doit minimum déconnecter la majorité des individus qui sont dans la conscience des dangers d'être récupérés par l'astral. C'est déjà un premier principe d'être intelligent. C'est l'application de ça. C'est déjà une mutation vers l'apothéose qui se fait immédiatement ici. Bon, c'est évident qu'il va y avoir encore des souffrances dans l'eau, mais l'humain, le groupement d'humains doit s'arranger au minimum pour travailler à à éliminer une forme d'assurance astrale, à éliminer déjà une grande partie des façons dont l'astral couramment vient planter l'humain. Bon, il y a du monde qui se risque à un moment donné, il y en a qui gagnent, ils partagent. Quand je parle partager, c'est toujours pas au niveau là, spirituel. Question de garantir l'infrastructure. L'astral qui dirige ces phénomènes-là, c'est la coloration de l'énergie. Oui. Puis, lorsque ce que tu viens de dire serait mis en place, ça ne l'a pas été encore, je pense. Non. Si ça serait mis en place, puis que l'homme a besoin encore de d'autres expériences, il peut se faire fourrer encore bien plus. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une souffrance phénoménale qui existe, qui s'appelle la joie, et qui s'appelle le bonheur. Grosse souffrance. Elle, elle te fait muter un humain vite en maudit. Et pour ça, il faut avoir créé un contexte pour ça. Un exemple, on a une personne qui, à un moment donné, tout ce qu'elle a passe au feu, et puis elle souffre. Et puis là, finalement, bon, on organise un groupe pour contrer ces choses-là. Elle vient voir, puis en 3 semaines, elle réunit 45 000 $. Elle va souffrir ce qu'il faut en termes énergétiques, c'est-à-dire que son potentiel d'énergie va être excité autant qu'une grosse souffrance, uniquement parce qu'elle va être dans un monde qu'elle ne connaît pas. Un monde où l'humain est capable de s'entraider. Elle ne connaît pas ça. C'est un peu comme tu vis un accident. Tu conduis ton automobile. J'ai vibré ça souvent quand je travaillais pour Urgence Santé. La personne, elle a un accident, bon, elle est prise dans son automobile. Puis quand les techniciens ambulanciers arrivent, ils s'approchent de la personne et lui disent, faites-vous-en pas, on est là, etc. Et la personne, là, elle vibre d'une façon tellement extraordinaire, elle ne sait plus comment s'en aller. Ils partent à pleurer, ils perdent connaissance, mais c'est pas, on dit là, c'est parce qu'ils se sentent rassurés. C'est parce qu'ils sont subjugués par l'énergie du bonheur, d'être, qu'il y ait des humains là qui viennent les rencontrer, qui viennent se salir, qui viennent se blesser, qui viennent prendre le temps de travailler, de mettre tout leur temps qu'il faut, puis qu'ils ne lâchent pas. C'est, je te lâche pas, on te sort de là, c'est sûr, fait, relax, continue à parler, l'autre, il y a une autre personne qui vient jaser avec elle, il y a du monde qui va s'arranger pour, si c'est sa jambe, son bras, y faire attention. Il y a un médecin qui se présente, il est agréable lui aussi. Puis là, tu te dis, c'est ce tabarnak de planète-là, finalement, il y a du monde qui ont de l'allure. Puis les gens qui sont là au salaire, qui sont payés, c'est pas ça. C'est du monde, là, tu vibres de l'humain. Mais cette souffrance-là, celle d'être entre bonnes mains, elle est extraordinaire. Prenons l'exemple des gens en Bosnie dernièrement qui ont reçu un convoi humanitaire. C'est un général français, finalement, qui est allé discuter. Qui est revenu avec un convoi de l'armée de l'Union. Ces gens-là ont souffert, et subitement, en voyant arriver ça, ils sont adaptés. Ils ont eu de l'énergie, ils n'ont pas encore mangé. Ça, c'est la même chose, ça excite le potentiel énergétique. Ce genre de mécanique-là, c'est une souffrance positive, qui lui-même, là, il sent toutes les secours. Un exemple encore, quelqu'un a besoin d'aide, t'arrives, tu dis, écoute, moi, je vais t'aider. La première chose que lui-même fait, c'est qu'il refuse. Trop souffrant. D'accepter d'être aidé. Aider quelqu'un, ça fait partie des principes de certains humains. Se faire aider est une souffrance. Mais dans un contexte comme je parle, il y a énormément d'humains qui avanceraient aussi vite, mais dans le bonheur, ils vivraient une forme de souffrance, comme tu dis, là. Mais c'est une souffrance qui ne te fait pas souffrir, mais qui est là en se danger.